Bonsoir, bonsoir, bonsoir chez vous. Bienvenue, il est 19h30. Vous êtes en direct sur Arc-en-Ciel pour la Red Argus Sport, nouveau numéro de l'émission. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission, donc avec un programme que je vais vous donner dans un instant. Je vous rappelle bien sûr que pour nous écouter, ça se passe sur le 96.2 ou bien directement sur le site radioarc-en-ciel.fr. Pour nous joindre, deux possibilités. Le standard 02 38 434 800. 02 38 434 800. Vous pouvez nous joindre en direct, commenter toute l'actualité, ou bien vous pouvez nous joindre aussi sur Facebook, Red Arc du Sport. Voilà, n'hésitez pas à aller venir mettre un petit commentaire. Proposer des musiques également, comme d'habitude, c'est vous qui allez faire la programmation musicale. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le Facebook. Le programme ce soir, du foot évidemment, avec la Ligue des Champions, les demi-finales France-Allemagne, avec les Parisiens donc, qui affronteront Leipzig, on va y revenir grandement, et puis Lyon qui a fait l'exploit de sortir le grand Manchester City de Pep Guardiola, qui affrontera le grand Bayern en demi-finale mercredi. Et puis ce sera demain pour le match de Paris, bien entendu, on va y revenir grandement. On parlera aussi des demi-finales de la Ligue Europa, avec hier la qualification pour la finale de Séville. FC Séville qui s'est qualifié en battant Manchester United 2-1. Ce soir, place à l'autre demi-finale entre l'Inter Milan et le Shakhtar Donetsk. Coup d'envoi à 21h sur RMC Sport 1. Voilà pour les directs tout à l'heure. Et puis il y aura aussi du basket à partir de 19h30 qui va démarrer dans quelques secondes. C'est, ça y est, le premier tour des playoffs de NBA. Ce sont les premiers matchs entre les Nuggets de Denver et le Utah Jazz. Ce sera la première rencontre de la soirée à 22h. La deuxième rencontre entre Toronto et Brooklyn. À 1h30, Boston qui affrontera Philadelphie. Et puis à 3h du matin, les Clippers qui affronteront Dallas. Voilà les quatre premiers matchs de la soirée. On va revenir bien entendu sur les NBA et les playoffs qu'on connaît, ça y est. On va aussi parler bien sûr de la Ligue 1. Puisque ce week-end, c'est la reprise de la Ligue 1 et de la Ligue 2, ça y est, on va reprendre notre rythme habituel du championnat avec la Ligue 2 qui sera samedi et lundi avec les matchs qu'on vous détaillera. On parlera de l'USO et du National également. Voilà, et la Ligue 1 donc qui reprendra également ses droits vendredi. Dès vendredi que Marseille s'est déjà menacé hein, avec 4 cas positifs de Covid du côté de l'OM. Donc un match menacé de report entre donc les Marseillais et les Stéphanois. On va y revenir bien sûr tout à l'heure. Et puis les autres championnats européens qui reprendront un peu plus tard hein. Dans un mois pour l'Allemagne bien entendu, puisque ça vient juste de se terminer. En Italie aussi on reprendra bien plus tard hein, cette saison, tout comme l'Espagne et l'Angleterre hein, évidemment des championnats qui ont été à leur terme et qui du coup vont devoir bien entendu patienter pour reprendre, puisqu'il y aura cette période de vacances quand même pour les joueurs, sachant que certains sont encore engagés en Coupe d'Europe. Voilà, donc on parlera bien sûr de Ligue 1, Ligue 2 et National. Ce sera tout à l'heure aussi hein, avec notre page football, avec la Ligue des Champions bien sûr et bien entendu la Ligue Europa, dont on viendra grandement avec les qualifications des clubs français. Grosse semaine qu'on a vécue la semaine dernière, on va y revenir bien entendu. Le tennis avec, on le disait la semaine dernière, l'officialisation normalement de la tenue du US Open, même si rien n'est joué jusqu'au dernier moment. On va bien sûr en reparler. On aura aussi au programme le tournoi de Cincinnati qui va arriver. Simon Alep qui a annoncé aussi son forfait pour l'US Open, qui a annoncé son forfait. Novak Djokovic de son côté, lui, est déjà sur place à New York pour bien sûr préparer Cincinnati, puis également bien entendu l'US Open, qui a décidé de se rendre sur place. On parlera également du Masters, avec déjà trois qualifiés pour le Masters de fin d'année qui aura quand même lieu hein. On parlera du tournoi de Rome aussi qui sera avancé d'une semaine. Voilà. Et puis donc on parlera aussi de Kenny Chikori qui est positif au Covid et forfait donc à Cincinnati. Ça va faire beaucoup beaucoup d'absents. Novak Djokovic sera évidemment le grand favori, encore en plus que d'habitude de cette US Open, avec l'officialisation de pas mal d'absence. Les tournois de la semaine du côté des femmes, puisque ça joue. Pour les hommes, ça commencera donc la semaine prochaine pour Cincinnati. Déjà deux tournois cette semaine à Prague pour la terre battue. Et puis donc la semaine prochaine, Cincinnati pour, bien entendu, le dur, le grand chelem. Winston-Salem. Voilà pour le tennis. Du rugby, pour l'instant, encore très calme du côté du rugby. On va préparer la reprise. On reparlera aussi du RCO, bien sûr, comme on le fait régulièrement. Du côté du rugby, du basket, on le disait, l'NBA, bien entendu, qui est en plein boom. La JP Elite, qui reprendra, on l'avait annoncé il y a quelques temps, dans quelques semaines maintenant, avec la première journée qui aura lieu fin septembre. Ça, ce sera voilà, un petit peu plus tard dans la saison. La victoire de Lewis Hamilton hier en Grand Prix d'Espagne, seul au monde, encore une fois. Et puis Dovizioso qui a remporté le Grand Prix d'Autriche côté de MotoGP. On va y revenir dans un instant. Athlétisme pour finir aussi avec la première étape de la Diamond League du côté de Monaco. Voilà, et puis quelques autres performances aussi à noter dans d'autres meetings hors Diamond League. On va y revenir tout à l'heure. Voilà pour le programme ce soir. Pas mal de choses donc, des titres que l'on passera régulièrement. Vous faites la programmation, bien sûr. Les directs, on le disait, donc on suivra l'NBA qui va démarrer là dans quelques secondes. Ça y est, entre Denver et le Utah Jazz, c'est ce premier match du premier tour de NBA. Et puis à 21h, donc, il y aura ce fameux match Inter Milan, Shakhtar Donetsk à suivre, qu'on attend avec impatience, avec j'espère beaucoup de spectacles comme il y en a eu hier. On y reviendra, bien entendu, tout à l'heure. Un premier titre, et on revient dans un instant pour lancer ce programme qui nous attend. Avec pour démarrer, eh bien, on va écouter ce premier titre avec Wonderful Life du groupe Black. C'est parti tout de suite donc avec cette première pause, et on revient après donc pour notre première partie donc avec athlétisme, avec aussi avec la MotoGP et avec la Formule 1, voilà. Et puis Durand aussi, un petit mot aussi Durand, bien sûr, comme chaque lundi. C'est parti pour Black avec Wonderful Life. Et on se retrouve après pour démarrer. 19h38, vous écoutez Arc-en-Ciel, c'est bien entendu la radar du sport. A tout de suite. Thank you. C'était Black avec Wonderful Life, à l'instant, premier titre de la soirée. On revient tout de suite pour, bien entendu, évoquer notre programme avec un rappel du direct que l'on va suivre pour l'instant entre Denver et Utah Jazz. C'est donc le premier match du premier tour des playoffs en NBA, ça y est, qui ont démarré. Avec un tableau qu'on connaît, qu'on vous éteindra tout à l'heure, bien sûr. Voilà, ça va démarrer dans quelques secondes. Avant ça, l'actualité en Formule 1, nouvelle victoire, quatrième victoire en 6 courses. Lewis Hamilton, qui est vraiment seul au monde, décidément, sur ce circuit de Barcelone qui avait lieu hier. Donc, victoire de Britannique, qui était déjà en tête sur la grille de départ, qui devance Max Verstappen sur Red Bull, son coéquipier sur Mercedes et troisième Valtteri Bottas. À noter les deux bonnes performances de Stroll et Perez chez Racing Point, qui termine 4 et 5e tout de même. Noter que Hamilton quand même termine avec 25 secondes d'avance, hein, vraiment un gouffre. À noter la 7e place seulement de Sébastien Vettel, la 9e de Pierre Gasly, la 13e d'Esteban Ocon, et enfin le dernier classé, c'est Romain Grosjean, donc 19e et dernier classé. On était un seul abandon, celui de Charles Leclerc, pilote Ferrari, près 37 tours pour un problème électrique, donc il n'a pas été classé sur ce Grand Prix. Le classement, évidemment, c'est Lewis Hamilton qui domine déjà largement devant, 132 points. 95 points pour Verstappen, deuxième. Bottas, troisième, 89 points. Le gouffre derrière avec Leclerc, quatrième, 45 points. Ocon et Gasly sont classés. Ce n'est pas le cas pour Grosjean qui n'a pas encore marqué de points. La suite du programme nous emmènera en Belgique dans 15 jours, le 30 août. Le fameux circuit de Spa-Francorchamps s'enchaînera ensuite. L'Italie Monza, deux circuits donc, deux grands prix assez emblématiques, vont s'enchaîner le 30 et le 6 septembre. Donc, une petite pause de 15 jours. Pour tout le monde, la MotoGP, c'était hier le Grand Prix d'Autriche avec la victoire de l'Italien Andrea Dovizioso, ça y est, qui remet les pendules à l'heure, l'Italien, qui s'impose devant Joan Mir, l'Espagnol, Jack Miller, l'Australien, est troisième, Rossi, cinquième, a noté la huitième place seulement pour Fabio Quartararo, qui a eu quelques petites difficultés, mais qui reste néanmoins leader du général avec 67 points. Dovizioso qui revient bien avec 56 points. Vinales, troisième, 48 points. Voilà pour le classement donc de ce championnat du monde de MotoGP. La suite on restera sur place en Autriche pour un second Grand Prix sur le circuit de Spielberg. Ce sera dimanche. À noter, voilà, toujours l'absence de Marc Marquez, hein, qui est encore absent un petit moment. Voilà, et ça va être une saison qui va être compliquée quand même. Évidemment, pour l'Espagnol, hein, ça a été confirmé, son absence qui a été confirmée pour ce deuxième Grand Prix en Autriche hier, hein, par le pilote d'essai, par l'équipe Repsol, par Honda, qui a confirmé voilà, que Stefan Bradl, le pilote d'essai, sera encore présent pour cette seconde manche en Autriche. On rappelle qu'il avait été opéré à deux reprises au bras droit après une chute sur le Grand Prix d'Espagne, hein, déjà qui date du 19 juillet, un mois déjà, et voilà, il avait pris un peu tôt. Finalement, son absence sera repoussée encore une fois pour lui, qui espère être de retour pour les deux rendez-vous en Italie du 13 et 20 septembre, pardon. Donc dans un mois, pour le titre, on sera maintenant trop loin pour l'Espagnol cette saison. En tout cas, rendez-vous donc pour la prochaine course, donc dimanche, Autriche, et ensuite on restera en Europe avec Saint-Marin, on aura l'Italie, voilà, on le disait, avec les deux Grands Prix sur place en Italie, ils sont sur le même circuit, hein. L'un sera le Grand Prix de Saint-Marin, l'autre sera le Grand Prix d'Italie, pour les distinguer, Catalogne, la France, au Mans, si tout va bien, et puis finalement, sur les 5 derniers, il y aura 3 en Espagne, Aragon, Teruel, Valence, puis il y aura le Grand Prix d'Europe et au Portugal, on l'avait dit, qui se rajoute en fin de saison. On en avait parlé la semaine passée. Donc pour l'instant, toujours en tête, Fabio Quartararo, mais attention, Dovizioso revient très proche. Dimanche, ça va être encore agité et animé. Voilà pour la MotoGP. On change de d'univers. Un petit mot d'un handball. Peu de nouveautés depuis la semaine dernière. Une info tout de même. On avait parlé de la démission d'Olivier Giraud, de la présidence de la Ligue nationale de handball, qui est donc candidate pour la présidence de la Fédération française. C'est son successeur est connu. Il s'agit de David Tebib, qui a été président de Nîmes, voilà, qui est également président de l'Union des clubs professionnels de handball, qui a été officialisé mardi dernier à la succession donc d'Olivier Giraud. Olivier Giraud, pardon, et il assurera donc la présidence jusqu'à la fin du mandat, donc jusqu'à début 2021. Donc David Tebib, pardon, qui sera en poste jusqu'à début 2021 avant la nouvelle élection. Voilà pour ce petit mot de handball. Un mot d'athlétisme, ça y est, c'était la reprise de la Diamond League, fameuse compétition, avec le premier meeting qui avait lieu à Monaco. Là, un petit passage sur ce qui s'est passé avec à noter un 200 mètres qui avait lieu, victoire pour Lyles, l'américain, 19-76. Son frère, lui, Josephus Lyles, deuxième en 20 secondes 30, hein, donc Noah Lyles qui s'impose, et son frère Josephus Lyles deuxième. Troisième place pour Almas, l'Allemand, 20-64. À noter, les Français, loin, René, 20-97, Fall, 21-20, puis Christophe Lemaître, qui n'a pas pris part au départ. Malheureusement. Ça, c'est donc pour le 200 mètres. Des Français engagés un peu partout. Pas de grosses performances à mettre à leur actif. Chez les femmes, il y a eu un 100 mètres. Victoire de la Suissesse Del Ponte en 11-16. 400 mètres avec la Française qui termine 8e et dernière, Amandine Brossier, du 800 mètres en 52-80, dominée par l'américaine qui se prénomme, je n'ai plus son prénom, en tout cas c'est Herbie, 50 secondes et 50 centièmes pour le tour de piste, qui s'impose sur cette course. Et à noter que pour les autres courses, eh bien, pas de française à noter sur les autres courses. Les concours avec la perche, absence de Renaud Lajeuny, c'est Arnaud Duplantis qui s'impose en 6 mètres. Voilà, une grosse performance encore du Soudal. On le savait, hein, depuis quelques temps, il est vraiment énorme. Eh bien, voilà, il a encore passé une barre énorme avec une part à 6 mètres, donc le Suédois 6 mètres qui s'impose. Donc à noter à deuxième place pour le Belge Brothers, Thiago Braz seulement 5e, le Brésilien en 5,50, Valentin Vigliani et Sam Kendricks qui n'ont pas passé de barre, voilà, malheureusement, et qui était pourtant là, qui était présent, hein, Sam Kendricks et Valentin Vigliani, et qui n'ont pas passé de barre, donc non classés. Côté concours femmes, pas de française engagée cette semaine. Prochaine destination du meeting de la Diamond League, le meeting de Stockholm, avec un attendu. Ce sera bien sûr à Mormont du parti chez lui. Ce sera dimanche. Ce sera dimanche, c'est ça. Stockholm pour cette deuxième étape. D'autres meetings avaient lieu hors Diamond League. À noter ici, quand même, à Monaco, les deux meilleures performances mondiales de l'année pour Orlando Ortega, qui a réalisé 13 secondes 11 centièmes sur le 110 mètres haies. C'est la meilleure performance de l'année, l'espagnol, hein. Et puis l'américain Donovan Brazier, qui a réalisé, lui, la meilleure performance de l'année sur le 800 mètres en 1,43 et 15 secondes. Donc, circuit sur cette piste de Diamond League à Monaco, donc deux performances quand même à mettre à l'heure actif sur cette course. Et puis aussi une meilleure performance mondiale de l'année sur le 5000 mètres féminin, celle de la Kenyan Hélène Oribi, qui a remporté le 5000 mètres en 14, 22 et 12 secondes. C'est la meilleure performance mondiale de l'année sur le 5000 mètres pour les femmes. Voilà, donc à noter aussi quand même cette performance. Voilà, et puis, une autre information aussi concernant le 5000 mètres, mais cette fois homme, sur ce meeting de Monaco. Le record du monde du 5000 mètres qui a été battu. Voilà, ce n'est plus Bekele qui est recordman du monde de 5000 mètres. C'est maintenant l'Ougandais Joshua Cheptegei qui a réalisé lui 12, 35 et 36 secondes. Nouveau record du monde de la distance de 5000 mètres. Voilà, donc belle performance. Hein. La marque de Bekele datée de mai 2004. Donc, qui lui avait réalisé 12, 37. 2 secondes de mieux sur la même distance. 16 ans après, grosse performance. Hein. Une marque qui n'avait pas été battue depuis un moment. Donc, notez quand même deux derniers tours très très forts en moins d'une minute. Donc voilà où il a battu ce record, c'était sur ses deux derniers mètres. Voilà, il avait remporté 10 000 mètres au dernier championnat du monde après avoir fait deux ans plus tôt. Voilà, donc un record du monde pour lui qui en appelle peut-être d'autres. Voilà pour cette performance. Et puis également donc d'autres meetings hors Monaco. Le Sam Kendrick qui avait fait 0 à Monaco s'est repris hier en s'imposant sur un meeting en Allemagne en 5,81. Le champion du monde de la perche, on le rappelle quand même, Sam Kendrick, américain. Et voilà, donc il n'était pas présent il était absent au forfait à Monaco, donc ça va mieux. Et donc Leverkusen, une barre en 5,81 qui a échoué ensuite à 5,91. Meilleur retour de l'été pour lui. Et donc qui s'impose sur ce meeting donc du côté de l'Allemagne. Et puis une grosse perf pour Piotr Lisek sur la perche, le Polonais qui a lui fait 5,90 en Pologne chez lui. On rappelle médaillé de bronze sur les derniers championnats du monde, 5,90 chez lui dans sa ville. Meilleur bond pour lui, meilleure hauteur, meilleure performance. Meilleur performeur de l'année. Derrière les 6 mètres de Duplantis qui a été réalisé vendredi. Donc il y a du fort déjà dans cette saison. On attend les prochains meetings avec impatience. Et puis le retour de Renaud Lavillani, bien sûr aussi, qui va revenir de blessure, on l'espère, très rapidement. Voilà pour cette partie athlétisme. Donc prochaine étape de la DM League dimanche en Suède à Stockholm. Voilà, on va marquer une pause et puis on va revenir avec le basket. On va revenir bien entendu sur la partie NBA, il y a pas mal de choses à dire. On va parler de l'Eurocoupe et de l'Euroleague, qui avec des groupes dévoilés chez les femmes. Hein, on avait évoqué les groupes des garçons, mais on a les groupes des femmes avec des groupes, des grosses poules pour les Françaises. On va pouvoir y revenir dans un instant. Et puis, bien sûr, la NBA avec... avec bien entendu les playoffs connus, et on va avoir l'occasion d'avoir pas mal de choses à dire. Les directs, c'est parti hein, du côté de la NBA justement avec le premier tour des playoffs entre Denver et Utah Jazz, 8 à 7 pour Denver, ça commence tout juste avec Rudy Gobert présent côté Utah Jazz bien entendu sur les 5 de départ. Voilà, on espère qu'il va être là, qu'il va scorer. Le français sur cette rencontre, en tout cas, se démarre tout juste. On va bien sûr le suivre en fil rouge. Après le basket, il y aura bien sûr du tennis. Et puis on terminera avec la page foot, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on nous propose encore sur les directs c'est tout hier à cette rencontre, hein, à 21h, on le rappelle, dans une heure. Inter Donetsk en Ligue Europa, les demi-finales, deuxième demi-finale. Et puis pour le son, bien, on nous propose encore pas mal de choses. Continuez hein, à faire vos propositions. On va essayer de contenter tout le monde. On propose plein de choses encore. Mais on nous propose pas mal de choses toujours, comme je le disais. Qu'est-ce qu'on a ? On a les Daft Punk proposés. On a Matt Cohn. On a Michael Jackson. Ouais, on a The Weeknd. Voilà, on a... Doja Cat, ouais, également. On a qu'est-ce qu'on a encore ? On a Diavner. Bon, écoutez Diavner, tiens, allez, ça fait longtemps. Avec Beautiful. Eh bien, c'est parti pour ce premier titre et on se retrouve après pour la deuxième partie. C'est parti pour Diavner avec Beautiful et on revient juste après pour le basket et pour le tennis. À tout de suite. Beautiful, c'était le deuxième titre de la soirée. Un retour donc pour cette deuxième partie. On suit bien entendu notre match entre Denver et Utah Jazz. C'est les playoffs qui ont démarré ce soir avec le premier match entre Denver et Utah Jazz. 18-14, c'est le score en faveur de Denver dans le premier quart-temps. Ça fait que commencer, on va suivre bien sûr tout ça. Il y aura d'autres rencontres bien entendu dans la suite de cette soirée, on va y revenir. Également tous les playoffs, bah tout de suite justement on en parle avec les playoffs connus hein, depuis dimanche. Depuis hier, depuis oui, samedi même, avec les playoffs du côté de l'Est, avec Milwaukee qui affrontera Orlando, Indiana affrontera Miami, Toronto jouera face à Brooklyn, et enfin Boston jouera face à Philadelphie. À l'Ouest, les Lakers, bien entendu, seront posés à Portland, Houston. Jouera face à Oklahoma City, les Clippers qui sont bien entendu présents joueront face à Dallas, et enfin Denver Utah Jazz, c'est la rencontre de ce soir avec le meilleur des 7 rencontres hein, à partir de 4 on a terminé et on va se qualifier pour la suite pour les demi-finales de conférence, puis les finales de conférence et enfin la grande finale NBA bien sûr. À noter la fin de série pour les Spurs San Antonio qui a mis fin à une série historique de participation aux playoffs, puisque les Spurs vont manquer les playoffs pour la première fois depuis 97, qui a donc participé à 22 playoffs consécutifs, ce qui est énorme. Malgré leur les défaites face à Utah Jazz n'a rien changé, puisque le score était scellé en entrant sur le parquet. Hein, les Spurs ne pouvaient plus se qualifier pour les playoffs, à la suite de victoires combinées de Memphis sur Milwaukee et des Phoenix sur Dallas, voilà. Et donc du coup, c'est la fin de série pour les Spurs qui codétiennent le record de participation d'affilée à un playoff NBA, codétenu par les Sixers de Philadelphie, qui anciennement s'appelait les Syracuse Nationals. C'était une autre époque, dans les années entre les années 50 et 71. Donc un record qui a été égalé, mais qui ne sera pas battu. En tout cas pas pour l'instant, avant d'atteindre, il va falloir attendre quelques années. Les Spurs, donc une grosse série, quelques chiffres à noter. 1228, c'est le nombre de victoires accumulées par les Spurs en saison régulière depuis 97, depuis cette fameuse début de série. 70% de victoires sur tous ces matchs quand même, ce qui est quand même énorme. 18 fois les Spurs ont terminé avec plus de 50 victoires au compteur. Le record c'est 67 dans la saison 2015-2016. 5 titres à noter pour les Spurs dans cette période: 99, 2003, 2005, 2007, donc tous les deux ans, puis 2014 ensuite. Perdu une finale en 2013, et puis 4 fois en finale de conférence Ouest dans les années suivantes. On a noté que donc Greg Popovich, qui est là depuis le début, hein, depuis le début de cette ère 97, 3 fois coach de l'année en 2003, 2012 et 2014. Greg Popovich est le seul entraîneur dans l'histoire hein, du sport américain à avoir emmené la même équipe en playoff 22 saisons de suite, puisque le record qui est détenu par les Sixers avait utilisé 6 entraîneurs quand même à l'époque. Et Greg Popovich qui est toujours là. Et maintenant le record qui est détenu par Houston avec 8 en cours, séries en cours. Donc on est très très loin de ces 22. Il y aura quelques saisons qui vont se passer avant de pouvoir atteindre ce fameux chiffre. Et le record sinon du sport US, il est détenu par les Boston Bruins en NHL avec 29. Mais qui avait utilisé 13 entraîneurs. Donc là c'est vraiment une exception, un cas à part, l'équipe des Spurs avec Greg Popovich. Et il va falloir se remobiliser l'année prochaine pour réintégrer ces playoffs. C'est vrai que c'était une saison un petit peu compliquée, un petit peu à part, mais voilà, les Spurs qui vont quand même stopper leur série ici. En tout cas, les playoffs démarrent ce soir avec des matchs toute la semaine. Hein. On rappelle meilleur des 7 matchs. On fera un point bien entendu la semaine prochaine. Deux autres infos, puis on va déjà refermer la page basket, il y a peu de choses. Les groupes connus pour l'Euroleague féminine, on en avait parlé des hommes il y a quelques semaines, mais là, c'est l'Euroleague féminine qui est connue pour Bourges et Basketland qui sont engagés dans cette Euroleague. Tirage au sort des deux groupes, puisque chez les femmes, il y aura deux groupes d'Euroleague, avec des groupes compliqués. Et puis l'Asvel aussi. Bourges et Basketland sont dans le groupe des Russes d'Ekaterinbourg. qui font office de favoris. L'ASVEL connaît aussi son groupe. Donc le groupe A pour l'ASVEL avec entre autres Dynamo Koursk en Russie, vainqueur en 2017, finaliste en 2019, Fenerbahçe, finaliste en 2017 et Prague, finaliste, vainqueur en 2015. Donc quand même un gros groupe. Et puis Bourges, je rappelle qu'il a été titré quand même à trois reprises, 97, 98 et 2001. Groupe B avec le Basketland. Donc avec Ekaterinbourg comme le plus titré en Euroleague, hein, quand même vainqueur de 3 des 4 dernières éditions, donc très lourd, avec également les Hongroises de Sopron, finaliste en 2018, l'équipe d'Italie de Sandrine Gourda, le Galatasaray, et pour l'Euroleague reprise pour l'instant décidée au 1er septembre. Et puis pour l'Eurocoupe, la deuxième compétition chez les féminines, Charleville-Mézières engagé dans cette compétition. Voilà, 4 clubs engagés connaissent leur groupe, puisqu'il y en aura 4 dans cette compétition. Villeneuve-d'Ascq, tête de série, Charleville-Mézières, également 8 groupes dans cette Euroleague, 4 clubs engagés. Donc Charleville-Mézières qui est dans le même groupe que la Roche-Vendée, autre club français, dès le premier, groupe, dans le groupe F. Voilà, et également d'autres équipes dans cette compétition. Villeneuve-d'Ascq qui a remporté une fois la compétition, tête de série dans le groupe G. Voilà. Et puis enfin Landerneau sera la dernière équipe engagée. Fribourg notamment et Venise dans la poule. Et puis un cinquième club français, Saint-Amand, jouera son tour de qualification puisqu'il faudra passer par un tour de qualif pour elle face à l'équipe suisse de Winterer. Ce sera aussi le 1er septembre la reprise de cette compétition. Voilà pour les groupes connus donc du côté du basket et des coupes d'Europe. Un mot de tennis et puis on sera déjà arrivé à la page football. Tennis avec, on le disait, l'US Open qui arrive, qui approche, d'autres forfaits connus. On en avait parlé la semaine passée avec on avait parlé de Stan Wawrinka, on avait parlé de Gaël Monfils, on avait parlé de Svitolina chez les femmes, on avait parlé de la possible annonce aussi de Simone Halep qui a fait son choix et qui n'ira pas, la numéro 9 mondiale, à la 6ème joueuse du top 8 a décidé de ne pas y aller. Ça fait quand même beaucoup, hein. Ça va être un tournoi un petit peu particulier, hein. Barty, on l'a dit, Svitolina, Andreescu, Bertens, Bencic, Pliskova et Kenin sont les deux seuls membres du top 8 à présent sur place. Voilà, donc ça va être un petit peu particulier. Chez les garçons également, Ken Nishikori qui sera absent puisque lui il a été contrôlé positif au coronavirus, alors qu'il est pour l'instant en Floride. Alors pour le moment il est donc absent, c'est une certitude pour Cincinnati. Voilà, et en ce qui concerne l'US Open, pour l'instant il est toujours incertain, mais pour l'instant n'est pas complètement out. Novak Djokovic lui a décidé finalement de se rendre sur place pour Cincinnati et pour l'US Open. Sera le seul du Big Four à se présenter sur place. On aura notamment Alexandre Zverev qui lui a décidé de se rendre à New York pour Cincinnati et l'US Open. L'Allemand, hein, qui a pris sa décision un peu de temps, il avait été très dubitatif sur ce voyage numéro 7, hein. Il ira pour tenter ces deux grands prix, ces deux tournois là. Son nouvel entraîneur c'est David Ferrer, on rappelle. Novak Djokovic aussi a annoncé ça y est, il y a peu de temps qu'il irait, très indécis depuis quelques temps, il ira tenter un 18e grand chelem à l'US Open, puis avant ça Cincinnati. Bien sûr, il sera ultra favori puisque ni Rafa Nadal ni Roger Federer ne sont présents. Voilà, on aura Dominic Thiem notamment aussi qui sera présent tout de même sur place pour ces deux tournois. Bencic, on l'a dit, hein, absente chez les femmes. À noter quand même des tournois qui avaient lieu chez les femmes cette semaine. C'était les premiers tournois de reprise avec Prague, victoire de Simona Halep, la Roumaine, qui a battu en finale Mertens, la Belge, qui Mertens 6-2, 7-5. C'était le tournoi de Prague sur terre battue qui avait lieu donc pour la Roumaine, ce qui peut aussi expliquer son choix d'aller sur terre battue, puisqu'elle a annoncé dans la foulée son absence en US Open. Ça peut s'expliquer aussi de ce côté-là. Cette semaine, pas de tournoi pour les femmes. Retour lundi, même pas vendredi. Vendredi, démarrage du tournoi de Cincinnati. Même chose pour les hommes. Reprise donc du côté de Cincinnati. Non pas vendredi, mais samedi pour les garçons, jusqu'à dimanche prochain. Voilà. On connaît déjà. Une partie des présents, voilà, on avait un petit peu parlé. On rappelle que les Français sont la plupart absents de ces tournois du côté de New York. Et puis l'US Open, donc du 31 au 13 septembre. Si tout va bien, on a encore 15 jours avant d'y être. Hein, donc tout peut encore changer. Voilà pour le tennis. À noter aussi une info concernant Benoît Paire qui a été battu par un très jeune joueur de 19 ans qui a réalisé un exploit en battant donc Benoît Paire, le 22e mondial. C'était à Pralou dans ce tournoi en France, en demi-finale d'un tournoi des circuits des tournois français à Pralou contre le 400 il est ce joueur-là assez loin. Il est 1437e mondial, hein, très très loin. Ce jeune français et Benoît Paire, qui n'était pas visiblement dans son élément, qui était battu par un très très jeune joueur. Roland Garros, les infos concernant la jauge de spectateurs pour l'instant qui reste à 5000 personnes, hein, donc pas de changement pour l'instant jusqu'au 30 octobre. Pour l'instant, Roland Garros se retrouve en période de restriction, hein, puisqu'il aura lieu fin septembre, début octobre. Pour l'instant, ça ne change rien côté Roland Garros. Et puis une dernière info aussi, alors US Open aussi, Andreescu, hein, son petite sera absente, on l'a appris aussi, donc du côté des joueuses qui donc n'iront pas. Dernière info concernant le Masters de fin d'année qui aura lieu malgré tout cette année, malgré cette année particulière, Masters de Londres, qui sera la dernière édition à Londres d'ailleurs, avec un système de classement revisité sur 22 mois au lieu de 12 mois. Donc Novak Djokovic, Dominic Thiem et Rafael Nadal sont pour l'instant les trois premiers à être qualifiés pour ce Masters. Sur les 8, du 15 au 22 novembre, donc les trois premiers mondiaux actuels, visiblement, assez logiquement, Novak Djokovic, Rafael Nadal et Dominic Thiem, qui ont déjà suffisamment de points pour s'assurer cette place pour le tournoi des maîtres, dont la tenue a été confirmée vendredi par l'ATP du côté de Londres. Voilà, et donc d'autres attendent les 5 places à distribuer. Donc Federer, Medvedev, Tsitsipas, Zverev et Berrettini sont pour l'instant classés de la 4e à la 8e place, mais évidemment Roger Federer n'ira pas puisqu'il reprendra qu'en janvier. Gaël Monfils pour l'instant le 9e, qui pourrait peut-être profiter de ce forfait du Suisse pour pourquoi pas intégrer ce Masters de Londres. Évidemment pour l'instant il y a encore du tournoi à jouer, hein. Voilà pour le tennis. Le direct, c'est donc la NBA que l'on suit ce soir avec Denver, Utah Jazz. Une petite avance pour Denver, 36-28. On est dans le deuxième carton depuis quelques secondes. Et puis bien entendu le foot, venons-en avec évidemment la grosse performance des Lyonnais qui ont battu donc Manchester City en quart de finale de la Ligue des Champions. C'était le match qu'on attendait évidemment avec celui du Paris Saint-Germain aussi, on va y revenir, mais samedi surtout avec Lyon qui bat donc City 3-1, scénario énorme avec le but de Maxwell Cornet dès la première demi-heure, avec un but qui n'était pas évident pourtant, mais qui a été vraiment incroyable, le Maxwell Cornet sur toute la rencontre, avec aussi Memphis Depay un petit peu en dessous, qui revenait de blessure, mais qui sortit un petit peu avant la fin de la rencontre, avec Maxwell Cornenner, mais avec Alan Ward aussi incroyable, avec un Lopez qui a sorti des parades incroyables, et puis une défense à 3 avec Marçal qui était aussi très présent, tout comme Marcelo. Il a fallu attendre la 70e pour voir l'égalisation de Kevin De Bruyne. Et puis on croyait que tout était avancé. Enfin, tout était avancé, mais on pensait que City allait prendre le dessus. Et puis Dembélé qui a fait son entrée, et la suite est venue donc du banc avec Dembélé qui va permettre à Lyon de mener 2-1 après la 79e minute. Et puis un gros raté, surtout de Ryan Sterling à la 96e minute, qui était à 2 mètres du but, sans gardien, qui a réussi à mettre cette balle au-dessus, complètement incompréhensible, mais tant mieux pour les Lyonnais qui, dans la foulée, encore ont marqué ce troisième but. Pour les Lyonnais, incroyable ce scénario pour les Lyonnais qui vont se qualifier donc pour les demi-finales, donc 10 ans après, donc de la Ligue des Champions, en battant Pep Guardiola et son équipe. Et puis bien entendu, on a aussi va revenir sur la performance du Paris Saint-Germain qui s'impose 2-1 après avoir été mené très longtemps face à Bergame dès la 27e minute, et passe Salic, Marquinhos qui va égaliser à la 90e, et dans la foulée c'est Eric Choupo-Moting qui va permettre au Paris Saint-Germain de s'imposer avec un scénario incroyable aussi dans ces deux rencontres. Et on va bien sûr revenir sur les deux autres matchs tout aussi incroyables. En tout cas pour celui du Barça face au Bayern, victoire 8-2 du Bayern, complètement massacré les Barcelonais qui n'ont pas vu le joueur dans cette rencontre. Dès la 9e minute, c'est Müller qui va ouvrir le score, auteur d'un doublé, tout comme Coutinho, Lewandowski aussi qui était présent pour marquer. Kimmich et Gnabry et Perisic sont les autres buteurs. Noter quand même 2 buts côté barcelonais, 1 but contre son camp d'Alaba dès la 7e minute, et puis Suarez à l'heure de jeu, sans rien changer, puisque c'est le Bayern qui frappe un grand coup, avec un Barça qui subit sa plus large défaite en Ligue des Champions, 8-2, étouffé complètement par les Bavarois, et les demi-finales qui vont poser Leipzig qui lui de son côté a battu l'Atlético 2-1, match un petit peu moins enlevé, mais ça reste quand même une belle performance de Leipzig qui s'impose en fin de rencontre 2-1, et bien entendu donc qui affrontera le Paris Saint-Germain donc en demi-finale. Ce sera demain soir Leipzig-Paris, 21h RMC Sport 1, et puis mercredi on attend les Lyonnais face au Bayern. À noter, grosse information qui concerne cette diffusion, bien sûr RMC Sport 1, mais TF1 diffusera en clair cette demi-finale de Ligue des Champions entre l'Olympique Lyonnais et le Bayern de Munich. Donc TF1 et RMC Sport ont trouvé un accord pour la co-diffusion de la demi-finale donc de l'OL face au Bayern, donc à partir de 21h. Un accord trouvé ce lundi, belle information pour les Français qui vont pouvoir suivre en clair cette rencontre. Pour Paris, il faudra absolument RMC Sport. On rappelle que TF1 diffusera aussi dimanche la finale de cette Ligue des Champions. Donc premier accord de sous-licence avec RMC Sport, avec Grégoire Margoton et Michel Télézarazou bien sûr, aux commentaires. Donc en tout cas, belle information, et on espère une belle performance, et pourquoi pas une finale 100% française, ce serait juste incroyable. Mais déjà un des deux représentants français présents, ce sera déjà une belle performance. Donc dimanche, donc demain et mercredi, les demi-finales, Leipzig, Paris, Lyon, Bayern, et dimanche la finale, voilà, à 21h sur TF1 également. La Ligue Europa aussi également, les demi-finales, avec hier la qualification, victoire du FC Séville qui a battu Manchester United, nouvelle victoire et nouvelle finale pour les Sévillans. Voilà, qui avait été mené au score très vite à la 9e minute par Fernandez sur penalty, qui va revenir par Suso à la 26e, et puis De Jong, inévitable, à la 78e, qui va permettre à Séville de se qualifier 6e finale de Ligue Europa pour Séville, avec 4 victoires déjà, avec encore un grand gardien du côté de Séville, Bounou. On avait eu Johnson la semaine dernière pour pour United qui a eu beaucoup de mal. Et bah, il y a encore un grand gardien, et cette fois, ça n'est pas passé. C'est Séville qui se qualifie pour cette finale, la nouvelle finale. Et puis ce soir, l'autre rencontre de demi-finale entre l'Inter et le Shakhtar Donetsk sera à 21h RMC Sport 1 pour la rencontre qui rejoindra Séville en finale vendredi. Bah, il faudra. Et donc, faudra voir ce soir cette rencontre qui promet aussi. Donc, ce sera vendredi la finale de cette Ligue Europa. Voilà pour les affiches de cette semaine. Beaucoup, beaucoup de choses à regarder. Ce soir, demain et mercredi. Jeudi, une petite pause quand même. Vendredi, finale de Ligue Europa. Dimanche, finale Ligue des Champions. Entre temps, bah, la Ligue 1 et la Ligue 2 qui reprennent leurs droits. Ça y est. Avant même la fin de cette Ligue des Champions. Ligue 2, samedi et lundi. Samedi, première rencontre pour les Toulousains qui arrivent en Ligue 2, qui affronteront Dunkerque pour lancer leur saison à 15h. Tous les autres matchs à 19h, avec Amiens notamment, avec Châteauroux, voilà, avec Auxerre. Et puis lundi, 3 Le Havre pour la rencontre de lundi soir qu'on suivra en partie. La Ligue 1 aussi, reprise vendredi, dès vendredi. Voilà, ce sera avec Marseille-Saint-Etienne menacé. Après les 4 cas positifs de Covid du côté de Marseille. Donc, match pour l'instant menacé de report, mais s'il a lieu, ce sera vendredi à 19h, avant la finale de la Ligue Europa, donc à 21h. Samedi, eh bien, deux rencontres. 17h, Bordeaux-Nantes. 21h, Lille-Rennes. Dimanche, à 13h, Monaco recevra Reims. À 15h, trois rencontres. Lorient-Strasbourg, Nîmes-Brest. Dijon G à 17h, c'est les Lensois qui reviennent en Ligue 1 qui se déplaceront à Nice à 17h. Donc. Et enfin, les matchs pour les Parisiens et les Lyonnais, mercredi hein, bien entendu, qui est d'ores et déjà programmé à mercredi hein, pour ces deux rencontres. Pour Paris, ce sera la réception de Metz et Montpellier. On recevra les Lyonnais, puisqu'on espère bien sûr l'un ou l'autre ou les deux en finale dimanche. Donc ça repousserait le match à mercredi et. Même si malheureusement l'un ou l'autre ou les deux n'iront pas en finale, eh bien les matchs sont quand même pour l'instant programmés à mercredi prochain pour ces deux rencontres. Et puis pour l'USO, bah, reprise également, hein, bien entendu, avec le national désormais, bien entendu, on le rappelle. À noter juste quelques rencontres de la semaine dernière, match amicaux de préparation. Les derniers matchs amicaux de Ligue 1 avaient lieu avec notamment une victoire de Monaco face à Akbar 2-0, victoire de Nantes face au Havre 3-1, victoire de Brest hier face à Lille 2-1, victoire de Rennes, défaite de Rennes pardon, à Nice 3-2 pour les quelques rencontres qui avaient lieu la semaine dernière. C'était donc les derniers matchs puisque on va maintenant repartir dès vendredi avec la Ligue 1. Donc là on va être à l'entraînement toute la semaine. Mais voilà. Et bien, information qui vient de tomber il y a 3 minutes seulement, là, qui est attendue, bien entendu. Le limogeage de Quique Setién, entraîneur barcelonais, officiellement hein, limogé de son poste d'entraîneur ce soir, ce qui était très attendu, évidemment, après cette défaite cataclysmique contre le Bayern. C'est le comité directeur du FC Barcelone qui a annoncé son renvoi aujourd'hui. Évidemment, avec une restructuration qui va se poursuivre, voilà. Et puis le nouvel entraîneur qui sera dévoilé dans quelques jours, qu'est-ce qui préside le communiqué officiel, qui avait seulement au mois de janvier dernier, voilà. Donc seulement 16 victoires pour 5 défaites et aucun titre cette saison. C'est la première fois depuis 8 ans hein, que Barça finit une saison sans titre. Ce qui est assez incroyable cette saison. Oui, donc on le disait, l'USO qui va bien sûr repartir pour cette saison avec voilà, de nouveaux objectifs. On l'espère on espère une remontée très rapide. Pas rester englué dans ce national trop longtemps. En tout cas, reprise première journée vendredi, réception de Laval. À 20h au stade de la Source, voilà. Tous les autres matchs à 20h, on aura Le Mans qui sera aussi là, qui ira à Annecy. Quelques clubs qui sont présents dans ce championnat national cette saison. On aura des connus avec le Red Star, avec Bastia, avec Laval donc, avec Boulogne, avec Vuilly, Voilà, avec Créteil, des clubs qu'on a connus beaucoup, mais c'est bien entendu en Ligue 2 avec l'USO également. Voilà pour donc la reprise du côté de l'USO. Et on attend maintenant évidemment les premiers résultats avec impatience et voir où en est l'USO avec ses recrutements, avec son effectif, et tout ça va prendre dans le bon sens, on l'espère en tout cas, avec impatience. Voilà pour donc cette partie football. À noter, on en a parlé tout à l'heure avec le rugby, le RCO fera sa reprise le 12 septembre, ça y est, toujours en deuxième division fédérale, avec un match qui démarrera face à Bourges, on en avait parlé, hein, réception de Bourges, le derby RCO Bourges le 12 septembre. Ce sera à domicile à 19h30 le samedi soir. Belle affiche pour démarrer. Pour les Orléanais qui vont démarrer déjà avec une belle rencontre pour lancer leur saison. À noter donc quelques équipes de cette poule pour le RCO, avec le Paris Université Club, avec Dole, avec Saint-Denis, avec Pontarlier, Boulogne-Billancourt, on aura Orangis, Sarcelles, on aura Porto-Combo, Metz, voilà les quelques clubs qu'affrontera le RCO, qui donc pour l'instant a repris l'entraînement et va se préparer tranquillement à la reprise, donc qui va arriver dans les prochaines semaines. On va se quitter avec l'agenda et puis on va s'arrêter là ce soir. Rappelle que le direct, c'est quasiment la mi-temps. Encore quelques minutes entre Denver et Utah Jazz, ça se resserre 48-43 dans cette deuxième mi-temps. Vous aurez rendez-vous dans les prochaines heures avec les trois autres rencontres. Toronto-Brooklyn, ce sera à 22h. Boston-Philadelphie à 00h30. Et les Clippers font leur entrée dans les playoffs face à Dallas à 3h. Ce sera sur Bein Sports 1, cette affiche. Le reste de l'agenda, évidemment, avec la grande page foot. Ce soir, tout à l'heure, dans une demi-heure maintenant, la rencontre entre l'Inter et le Shakhtar Donetsk, ce sera la deuxième demi-finale de Ligue Europa, à suivre sur RMC Sport 1. Demain, bien sûr, ne pas manquer Leipzig-Paris Saint-Germain, première demi-finale de Ligue des Champions, RMC Sport 1 également. Mercredi, là, ne pas manquer non plus, l'Olympique Lyonnais face au Bayern Munich, à 21h aussi, ce sera RMC Sport 1 et TF1, donc, on rappelle, qui va en clair diffuser cette rencontre, on est ravis. Jeudi, on va quand même faire une petite pause dans cette semaine de rêve. Vendredi, la finale de la Ligue Europa, voilà, entre Séville qui affrontera Inter ou Shakhtar. Il y aura le début de la Ligue 1 si tout va bien pour Marseille Saint-Etienne, pour l'instant menacé par un report, on le rappelle. Samedi, la suite de la Ligue 1. Dimanche, finale de la Ligue des Champions et fin de la première journée de Ligue 1. Finale de la Ligue des Champions, très attendue, bien sûr. TF1 aussi et RMC Sport 1 pour la co-diffusion. Donc ça va être une grosse semaine. Ligue 2 aussi qui reprend. Et puis l'USO recevra Laval vendredi soir à 19h. Voilà, il va falloir se réhabituer à cet horaire de 19h comme c'était le cas national. Hein. On avait pris l'habitude et le pli horaire de 20h, mais voilà, maintenant il va falloir revenir sur les horaires de 19h comme ça avait été le cas il y a quelques années en national, ce qui n'est pas forcément très pratique pour suivre les affiches de national. 20h pour la première journée, autant pour moi 20h, hein, cette première journée de l'USO, hein. Petite rectification, ce sera bien 20h. Et puis également donc le national, donc avec l'USO, on le disait vendredi. Autrement, déjà pas mal comme programme à suivre, hein, un gros programme. Retour de la Ligue 1, la Ligue 2 nationale, Ligue des Champions, Ligue Europa, voilà, un programme de rêve toute la semaine. Tennis, début de Cincinnati chez les femmes pour les femmes vendredi, chez les hommes samedi, ça y est, ça repart. Circuit masculin va enfin repartir avec beaucoup de forfaits, évidemment. Novak Djokovic sera le seul cadeau, on va dire, présent à New York pour ces deux tournois. Le basket, la suite, début, la suite des playoffs. On avait annoncé les rencontres de ce soir, les autres demain, bien sûr, avec les quatre rencontres de la conférence Est, Milwaukee, Orlando, Indiana, Miami, Toronto, Brooklyn, Boston, Philadelphie. Et puis voilà, en alternance un jour sur deux, la conférence Ouest, la conférence Est, jusqu'à dimanche. Et puis lundi, on fera un premier point. Est-ce qu'on aura qualifié ? C'est peut-être. Le calendrier que je peux vous donner quand même. Voilà, donc avec des matchs jusqu'à dimanche. Voilà, et puis programmé pour l'instant, voilà, jusqu'à lundi. En tout cas, il y aura des matchs jusqu'à lundi, c'est sûr. Et puis après, à déterminer si nécessaire les autres matchs, s'il n'y a pas déjà les matchs terminés. Mais lundi, on aura. Peut-être que lundi soir, on aura un premier qualifié, puisqu'il y aura encore des matchs et on pourra avoir des premiers qualifiés. Mais sinon, jusqu'à dimanche, le premier tour, et après, bien sûr, ça va s'enchaîner jusqu'à dimanche prochain. Pendant deux semaines, il peut y avoir un premier tour, et ça va s'enchaîner avec le deuxième tour, le demi-finale, dans la foulée. Notez quand même que Russell Westbrook à Houston manquerait le premier match des playoffs face à Oklahoma City, entre Houston et Oklahoma City, blessé un quadriceps, donc il manquera le premier match, mais il sera de retour mardi. Jeudi, pardon, pour le deuxième match de cette rencontre. Voilà pour le basket. Formule 1, on a dit repos ce week-end. MotoGP, on enchaîne toujours, on reste en Autriche pour la deuxième étape sur place. On espère que ça ira mieux pour Fabio Quartararo, un petit peu à la peine hier. Et athlétisme, deuxième étape de la Diamond League. Rendez-vous à Stockholm dimanche pour la deuxième donc étape. Voilà le programme de la semaine. Encore plein de choses à faire. Voilà, les rendez-vous de la soirée, je vous les rappelle. Dans une demi-heure, Inter, Shakhtar Donetsk, RMC Sport 1, deuxième demi-finale de Ligue Europa. Je vous la conseille. Et puis, la fin du match entre Denver et Utah Jazz, 55-45 pour Denver. Et les trois autres matchs dans la fin de soirée, dans la nuit, de NBA. Et les Clippers Dallas en point de mire à 3h sur Bein Sport 1. Voilà pour ce soir l'émission. On va se retrouver la semaine prochaine. Ce sera l'une des dernières émissions à 19h30, émission estivale. On sera le 24. Je vous confirmerai si le 31, a priori, on sera encore là à 19h30 ou si Manif fera son retour. Pour l'instant, je n'ai pas l'information. Je vous donnerai tout ça. Sinon, ensuite, ça repartira bien sûr, quoi qu'il arrive, sur la semaine suivante, sur le lundi 7 septembre, sur l'horaire classique à 21h30, mais voilà, encore au moins une voire deux semaines à 19h30. On va se quitter avec un dernier titre et on va se retrouver bien sûr la semaine prochaine avec plein de choses, encore une fois, avec, on l'espère, une victoire française, puisque lundi on sera au lendemain de la finale des champions et on espère pourquoi pas avoir une victoire française et bien dimanche. Allez, on se quitte avec on va écouter. Les Daft Punk, plus on me l'a proposé quand même pas mal de fois, avec Harder, Better, Faster, Stronger du premier album des Daft Punk. C'est parti donc pour ce dernier titre et on se retrouve donc lundi prochain à 19h30. Vous retrouvez le podcast tout à l'heure sur Facebook, bien sûr. D'ici là, bonne soirée à vous, bonne nuit. Si vous êtes en vacances, profitez-en. Si vous travaillez, bon courage. Restez masqués, bien sûr. Protégez-vous au maximum. Et vive la France. Vive et allez les clubs français, allez Lyon, allez Paris. On espère que ça va le faire demain et mercredi. Et puis bonne nuit à vous. Portez-vous bien sûr. Bye bye. Make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger, more than power, power, never, ever, after, work is over. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. Work it, harder, make it, better, faster, makes us stronger. que o meu coração se alegre. Juro, não vou desistir, faça chuva ou faça sol, porque eu preciso de ti para seguir.